Place à Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dès le début, la révolution hongroise de 1956 était condamnée. C'est en tout cas la conviction de M. X. Le clan stalinien au sommet de l'État soviétique avait décidé d'en finir. Et si au Kremlin, on a semblé hésiter, c'est parce que les conservateurs et les services secrets, largement représentés à Budapest, ont piégé Khrouchtchev. Khrouchtchev, l'homme du 20e congrès, celui qui a dénoncé les crimes de Staline et qui sera ensuite celui de la féroce répression contre les Hongrois. Il a jeté le masque, pensera-t-on, dans le monde entier. Et il s'en suivra un véritable séisme dans l'univers communiste. Ce sera en particulier le premier grand divorce entre les intellectuels et les communistes. Mais le piège, si piège il y a eu, n'a-t-il pas été aussi tendu par des occidentaux qui avaient intérêt à noircir le tableau et à faire apparaître Khrouchtchev sous son plus mauvais jour? C'est l'une des questions auxquelles M. X se propose de répondre dans ce nouvel entretien. Rappelons simplement que la Hongrie était depuis un an traversée par un puissant mouvement contestataire, essentiellement dans les milieux intellectuels. Et les opposants au régime communiste ne pouvaient qu'être stimulés par l'agitation qui se produisait en même temps dans la démocratie populaire voisine, la Pologne. Ajoutons enfin que les événements dramatiques de 1956 vont coïncider avec l'intervention militaire franco-britannique en Égypte. Et comme M. X ne croit pas beaucoup au hasard... France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Si vous voulez, reprenons le fil des événements. Le 6 octobre, à l'occasion des obsèques de Laszlo Rock, victime des purges staliniennes et récemment réhabilité, plus de 100 000 personnes se rassemblent. Une manifestation inédite dans un pays communiste. Mais vous m'avez dit que c'était clairement un rassemblement hostile au pouvoir communiste. Absolument. 15 jours plus tard, ça recommence. Les cercles oppositionnels organisent une nouvelle manifestation. Il s'agit de célébrer la victoire du Polonais Gomulka qui vient de prendre le pouvoir à Varsovie. Bon, enfin, n'y revenons pas, je vous en ai longuement parlé la semaine passée. Mais il est évident qu'en appelant à ce rassemblement, les organisateurs veulent aussi mettre en avant leurs propres revendications. Quittons, alors, rappelons-le. La tenue d'élections libres, le retour au pouvoir de Imre Nagy, limogé un an plus tôt, et le retrait des troupes soviétiques de Hongrie. Et très vite, il apparaît que cette manifestation va être un grand succès. Entre 250 et 300 000 personnes se réunissent. C'est énorme, à l'échelle d'un petit pays de 10 millions d'habitants. Alors, comment réagit le pouvoir? D'une façon absurde, enfin apparemment absurde. Que signifie ce apparemment là? Écoutez, n'allons pas trop vite. Il y a eu longtemps. Oui, d'accord. Enfin, en début de soirée, alors que la manifestation a commencé tôt dans l'après-midi, l'homme fort du pays, le secrétaire général du parti, Erne Göreux, intervient à la radio. Et au lieu du discours conciliateur qu'on pouvait attendre, il prend violemment à partie les manifestants qui sont accusés d'être des fascistes et des contre-révolutionnaires. Ouais, allons-y. Ouais. En même temps, il chante l'éloge du grand pays frère, l'URSS. Oui, ça ressemble à une provocation, non? Exactement, oui. Le résultat, c'est que les manifestants, toujours aussi nombreux, se rassemblent devant l'immeuble de la radiodiffusion et devant le Parlement. Et soudain, des coups de feu claquent. Alors, qui tire? Des agents de la police politique et peut-être aussi des éléments provocateurs. Plusieurs personnes sont tuées. Ça déchaîne la colère de la foule. Les manifestants assiègent la radio tandis que d'autres déboulonnent une gigantesque statue de Staline. Et maintenant, on se bat dans les rues de Budapest, car des policiers municipaux et même des militaires ont donné leurs armes aux insurgés. La révolution hongroise a commencé. Alors, avant d'aller plus loin, revenons sur ce que vous avez insinué là, en affirmant que le pouvoir réagit de façon apparemment absurde. Je m'explique, si vous voulez bien. Erne Göreux est complètement sous contrôle. Sous contrôle soviétique, vous voulez dire? Bien sûr. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière. Serov, le patron du KGB, a fait le voyage de Budapest. Il y a rejoint Yuri Andropov, l'ambassadeur soviétique, un homme d'autant plus redoutable qu'il ne ressemble en rien à un bureaucrate. Göreux, en prononçant à la radio cette allocution provocatrice, a agi sur ordre. Mais alors pourquoi? Pour provoquer le désordre, c'est certain. Ce que veulent les soviétiques, c'est mettre le feu aux poudres, enfin, plus tard, de légitimer leur intervention armée. Mais n'oublions pas que Serov est une sorte de spécialiste de la manière forte. C'est lui qui a présidé aux déportations des populations caucasiennes. Lui aussi qui a dirigé la répression dans les États baltes. Oui, c'est plutôt un conservateur, quoi. Sans nul doute, un nostalgique de la politique stalinienne. Attendez, là, pour les soviétiques, était-il possible d'agir autrement? Oui, si Guereux avait par exemple laissé entendre qu'il était prêt à écouter les manifestants, les événements n'auraient pas dégénéré. Il aurait suffi d'annoncer que Imre Nagy allait revenir au pouvoir et le calme serait revenu comme ça s'était passé à Varsovie. Ouais. Alors la suite, là. Bon, dans la nuit, les dirigeants communistes se réunissent en urgence. Serov y participe, naturellement. C'est lui le véritable patron. Ouais, soviétique, hein. Ouais. Et alors, que décide-t-on, hein? La politique de la carotte et du bâton. D'un côté, on nomme Imre Nagy au poste de Premier ministre, et de l'autre, on fait appel à l'armée soviétique. Et là encore, c'est très curieux, hein. Je ne vous le fais pas dire. Ouais. Alors, expliquez un peu, là. Je pense qu'on a voulu faire porter la responsabilité de la répression sur Nagy. Donc le couper de ses partisans. Et dans un premier temps, c'est ce qui va se passer. Alors que les chars soviétiques ont commencé à intervenir et que de violents combats ont lieu un peu partout dans le pays, Nagy prononce un discours radiodiffusé très décevant. Mais déjà la veille, il avait fait un vrai faux pas en s'adressant aux manifestants. Il est clair qu'il n'avait pas encore pris la dimension de la protestation. C'est-à-dire un discours à la radio pour ses partisans, oui, c'est ça. D'un gouvernement à peine différent du précédent, il annonce qu'il faut poursuivre la répression contre les insurgés. Seul acte positif, il a refusé de signer un appel écrit à l'armée soviétique. Un appel qui aurait pu légitimer l'intervention armée de Moscou. Certainement. Vous avez parlé de violents combats. Dès la première journée de l'insurrection, on compte déjà près de 350 morts. Et on voit, ce qui est très important, des policiers et des militaires hongrois prendre le parti des rebelles. Plus grave encore, pour le pouvoir communiste, de nombreux ouvriers combattent contre les envahisseurs et la police politique. Ouais, alors même, j'imagine que les communistes espéraient couper les intellectuels de la classe ouvrière. Ouais, et ils pensaient que la seule intervention des chars allait réduire rapidement l'insurrection. Mais les soldats soviétiques ne sont pas préparés à mater ce genre de mouvement populaire. Et d'autre part, ni les soviétiques ni les communistes au pouvoir n'avaient prévu que la révolution gagnerait tout le pays. Erreur d'analyse. Incontestablement. Le parti communiste, qui était fort d'un million d'adhérents, s'est effondré sur lui-même. Il n'existe pratiquement plus. Alors les soviétiques comprennent qu'il va leur falloir reculer, au moins provisoirement, en chassant d'abord le secrétaire général du parti qui personnalise tous les excès du régime. Qui le remplace, là? Janosch Kadar, homme qui, après avoir été un acteur des purges staliniennes de la fin des années 40, a fini lui-même par en devenir une victime. Toutefois, pour les insurgés, ce n'est pas assez. On a alors l'impression que le Kremlin est déboussolé. Khrouchtchev oscille entre le désir de réprimer et celui de composer. Et cette hésitation est symbolisée par la composition de la mission qu'il envoie à Budapest. Un modéré, Mikoyan, est accompagné d'un dur, Souslov. Et deux hommes qui ont donc des approches radicalement différentes. Oui, mais Serov continue à jouer sa partition, qui est celle des conservateurs. Il ordonne par exemple à certains agents du KGB implantés à l'ouest de rejoindre la Hongrie. Non, mais quel but là? Organiser des provocations. Toujours la même chose au fond. On a noté, par exemple, plusieurs cas de lynchage de membres de la police politique qui se trouvaient derrière. Des insurgés ou des agents provocateurs? Mystère. Autre fait curieux. Fin octobre, des forces de sécurité, pourtant ralliées aux insurgés, tireront la mitrailleuse dans une foule pacifique réunie devant le Parlement. On relevera 200 morts. 200 morts? Ouais. Non, la situation demeure très confuse, car en même temps, on observe que les revendications de la rue sont de plus en plus radicales. Anticommunistes, oui. Et franchement, antisoviétiques. Et pour être tout à fait honnête, il faut bien reconnaître que ce mouvement insurrectionnel est très hétéroclite. Si au départ, les intellectuels et les cercles petofi créés au sein des jeunesses communistes voulaient libéraliser le système sans rompre avec le socialisme, ils se mêlent maintenant à ces révolutionnaires des gens de droite et même d'extrême droite. C'est-à-dire des nostalgiques du régime fasciste d'antan? Certainement. Ça permettra d'ailleurs aux communistes, et je pense spécialement aux communistes français, d'affirmer plus tard que tous ces révolutionnaires hongrois n'étaient que des réactionnaires ou même des fascistes. Ouais, donc il fallait les réduire par la force. C'est ça. Ça, ouais. Et alors, comment en Hongrie la situation évolue-t-elle? C'est très étrange. Nagy, je vous l'ai dit, est d'abord passé à côté de son sujet. Ouais, il n'a pas compris. Je le pense. Ouais. Et ce dirigeant qui prenait autrefois la construction d'un communisme à visage humain va être peu à peu amené à rompre avec le système. Sous la pression de la rue? Forcément. Le 26 octobre, soit trois jours seulement après la grande manifestation du 23... Et alors qu'on se bat un peu partout. Oui, donc le 26, ouais, les insurgés décrètent la grève générale. Une grève qui va être bien suivie? Mais dans tout le pays, oui. Le lendemain, Nagy remanie son gouvernement et y introduit des têtes nouvelles dont la plupart étaient des chefs de parti interdits. Et c'est presque la reconnaissance du multipartisme, ça. Hein? Effectivement. Et à partir de ce moment, Notch, qu'il le veuille ou non, va être entraîné dans une spirale infernale. Oh, rendez-vous avec X. Revenons un instant sur le faux pas de Notch lors de la manifestation du 23 octobre à Budapest. Voici comment Jacques Semelin le rapporte dans son livre paru chez Belfond, La liberté au bout des ondes. À Budapest, la foule ne cherche pas à obtenir quoi que ce soit des dirigeants staliniens qu'elle exècre. Si elle se rend à la place Kossuth vers 17h, c'est pour entendre celui en qui elle met tous ses espoirs, Imre Nagy. Ce dernier avait fait une première ouverture en 1953, puis avait été limogé. Il venait d'être réintégré au sein du parti. Réticent, Imre Nagy paraît devant la foule vers 19h45. Commençant son discours par la formule rituelle « Mes camarades », il est aussitôt hué par ceux-là même qui l'ont attendu depuis si longtemps. Son allocution déçoit. Elle ne correspond pas aux attentes de la foule et ne lui donne aucune perspective concrète. Quand Nagy invite l'assistance à rentrer paisiblement chez elle, la déception s'aggrave. Toute la place gronde, murmure et aucun applaudissement n'accueille la péroraison de Nagy. Un instant embarrassé, celui-ci invite enfin l'assistance à entonner l'hymne national. Cette initiative permet in extremis au leader hongrois de communier un instant avec la population réunie. Mais elle ne comble certainement pas la frustration de la foule née de ce profond hiatus entre elle et celui qui est pourtant, en principe, le plus proche de ses attentes. Notch va donc de plus en plus loin. Oui, le 28 octobre, après avoir appelé au cessez-le-feu... Il a entendu, là, ce... Pas très bien, non. Donc, après avoir lancé cet appel, il franchit un pas supplémentaire en reconnaissant la légitimité de la lutte contre la police politique et les unités soviétiques. Et il prend fermement position en faveur du multipartisme. C'est quand même assez énorme, parce que, bon, en principe, c'est un dirigeant communiste. En principe, oui. Ouais. Mais de moins en moins. Et les émissaires de Khrouchtchev, Mikoyan et Souslov, sont-ils toujours sur place? Ils sont encore à Budapest. Et chose étonnante, ils semblent approuver les propos de Nagy. Même Souslov, qui est le plus dur du duo. Hein. Oui. Alors, bon, c'est quoi? De la duplicité? Bien entendu. Pardonnez-moi de me répéter, mais au Kremlin, malgré les gesticulations de Khrouchtchev, qui semble toujours hésiter, on a déjà pris la décision de lancer l'épreuve de force. Mais il faut endormir les Hongrois, si vous me passez cette expression. C'est-à-dire quoi? Vaincre leur méfiance? Oui, les deux émissaires soviétiques persuadent Nagy que le Kremlin veut sincèrement aboutir à une solution politique de la crise hongroise. Comment pas, là? Je vous ai raconté comment les chars soviétiques avaient servi d'épouvantail et permis d'asseoir le pouvoir de Gomulka. En Hongrie, le problème est un petit peu différent. Moscou se trouve face à une véritable insurrection. Et si les soviétiques cèdent quoi que ce soit... Il risque de se trouver face à d'autres difficultés dans tous les pays du bloc de l'Est. Oui, la contagion. Oui, les Hongrois sont allés trop loin. Alors, toujours pour les endormir, les chars rebroussent chemin et abandonnent la ville de Budapest. Les insurgés peuvent donc penser qu'ils ont gagné? Tout à fait. Et Imre Nagy, de plus en plus confiant, leur emboîte le pas. Il procède à un nouveau remaniement gouvernemental et ne garde auprès de lui qu'une poignée de ministres communistes. En outre, pour couper le cordon ombilical avec le parti... Il quitte symboliquement son siège et s'installe au Parlement. De la même façon, il annonce officiellement qu'il dissout la police politique et met fin au système du parti unique. Oui, ça signifie clairement sortir là, de l'orbite de Moscou. Hein. Et le Kremlin ne bronche toujours pas. Mieux, Nagy, toujours poussé par les insurgés, affirme sa volonté de faire de la Hongrie un pays neutre. Il a donc l'intention de dénoncer le pacte de Varsovie qui unit militairement les pays de l'Est entre eux, sous la tutelle de Moscou, bien sûr. Oui, ça, c'est quand même la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Oui, même si je vous ai dit que, de toutes les façons, les dirigeants les plus conservateurs du Présidium avaient décidé qu'il fallait intervenir militairement tôt ou tard, quitte à provoquer une sorte de putsch au sommet du parti. Mais c'est vrai que, désormais, Khrouchtchev lui-même ne peut plus reculer. Parce que c'est la désintégration même du bloc de l'Est qui est maintenant en jeu. Mais comment... les insurgés hongrois et Nagy lui-même n'ont-ils pas compris qu'ils étaient allés trop loin? C'est effectivement une question fondamentale. Est-ce que des provocateurs, enfin encore eux, auraient pu pousser Nagy dans cette voie extrême? Ça n'est pas inimaginable. Mais si vous le voulez, j'essaierai d'y répondre un petit peu plus tard. Ah, encore des mystères. Mais non. Toutefois, je vous donne une première piste. Pour la première fois depuis 1948, les Hongrois se sentent libres. Et ce sentiment de liberté engendre une certaine euphorie. Une euphorie trompeuse. Oui, je le pense, et encouragée à dessein par certains. Mais encore un petit peu de patience. Voyons d'abord les faits, uniquement les faits. Les soviétiques, À partir du moment où les Hongrois ont manifesté leur intention de sortir du pacte de Varsovie, n'ont qu'une idée en tête, je vous l'ai dit, c'est-à-dire endormir la méfiance des insurgés et du gouvernement de Nagy. Et alors même que les chars soviétiques auront pénétré en Hongrie, dans la nuit du 31 octobre, la manœuvre d'intoxication se poursuivra. Mais comment? Parce que Nagy doit être informé de l'invasion de son pays par ces chars. Certes, il est informé en toute hâte et il appelle aussitôt l'ambassade soviétique. Andropov lui affirme avec le plus grand sérieux qu'il ne s'agit pas d'une invasion, mais d'organiser la sécurité des troupes de l'armée rouge qui quittent le territoire hongrois. C'est un peu gros, ça. Ouais. Mais apparemment, ça marche. Nagy est provisoirement rasséréné, et même s'il menace d'en appeler à l'ONU. Il l'est d'autant plus que, dans le même temps, la Pravda a publié un article annonçant que le gouvernement soviétique était prêt à engager des négociations avec son homologue hongrois afin d'examiner la question de la présence des troupes de l'armée rouge sur le territoire hongrois. Et ça fait aussi partie du plan soviétique pour tromper les Hongrois? C'est évident. Et ça continue dans les 2 jours qui suivent. Le Kremlin propose à Nagy d'envoyer une délégation à Varsovie pour renégocier le pacte du même nom et examiner les modalités du départ des troupes soviétiques. Mmh. Et Nagy marche toujours, enfin, si je puis dire? Oui, pourtant un événement aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Le 1er novembre, le nouveau patron du Parti communiste, Janos Kadar, déclare à la radio que grâce au soulèvement, le peuple hongrois a conquis la liberté et l'indépendance. Puis il disparaît mystérieusement. Ah bon, où va-t-il? On ne l'apprendra que quelques jours plus tard, quand il réapparaîtra dans les fourgons de l'armée soviétique. Kadar s'est rendu à Moscou. Alors, de son plein gré? On ne le sait pas. Peut-être a-t-il été kidnappé. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il reviendra en Hongrie, il sera devenu, avec l'onction du Kremlin, le nouvel homme fort du pays. Alors, il a trahi? On a tout l'air. Forcé ou pas, Kadar a accepté d'être le zélé serviteur du Kremlin, en parfaite contradiction avec tout ce qu'il avait déclaré précédemment. Mais revenons aux événements. En ce tout début du mois de novembre, les Hongrois, abusés par les Soviétiques, peuvent croire qu'ils ont triomphé. L'euphorie toujours, hein? Oui, l'armée s'est mise spontanément aux ordres des nouvelles autorités, et un peu partout dans le pays se sont créés spontanément des conseils ouvriers qui sont les véritables détenteurs du pouvoir. Seule ombre au tableau, l'attitude du cardinal Mindszenty. À peine libéré, ce prélat, issu de l'aristocratie, prend aussitôt position contre le gouvernement de Nagy en l'accusant d'être l'héritier du régime communiste. C'est pas tout à fait faux. Sans doute. Mais les nouveaux dirigeants ont clairement exprimé qu'ils voulaient en finir avec l'ancien système, sans pour autant choisir le capitalisme. Une sorte de troisième voie. En quelque sorte. Mais ils n'auront guère de temps pour l'expérimenter. Le 3 novembre, les généraux hongrois sont invités à se rendre au QG de l'armée soviétique dans la banlieue de Budapest. C'est un piège. Ils sont aussitôt arrêtés dans le plus grand secret par les hommes du KGB. Simultanément, les chars soviétiques se rapprochent de Budapest. Mais c'est la fin, là. Mais pas la fin de la duplicité. Dans la nuit qui suit, le Premier ministre Imre Nagy s'entretient avec l'ambassadeur Yuri Andropov. Il reçoit alors un coup de téléphone d'un général qui l'informe de l'avancée des chars de l'armée rouge. Nagy interroge Andropov, qu'en est-il? Le futur numéro un soviétique nie avec le plus grand sang-froid. Le Kremlin n'a pas donné l'ordre d'envahir la Hongrie. Oui, d'accord, mais enfin, Nagy peut-il encore avoir des doutes, des illusions? Il ne comprendra qu'à l'aube de ce 4 novembre. Et à la radio, il s'adressera une dernière fois à son peuple en annonçant l'attaque soviétique et il lancera un appel à la communauté internationale. Un discours pathétique qui bouleversera le monde entier. Mais c'est bien tout, car Moscou n'est pas intervenu au hasard. Les soviétiques ont choisi d'attaquer au moment même où les premiers parafrançais et britanniques sautaient sur l'Égypte. Ah ouais, donc ils pouvaient agir en toute impunité. Oui, car à leur tour, ils auraient beau jeu de dénoncer l'agression colonialiste de 2 pays membres de l'OTAN. Enfin, l'important n'est pas là. Ils étaient d'autant plus sûrs de leur coup qu'ils savaient que Washington ne réagirait pas. Revenons sur une des caractéristiques de la révolution hongroise. La création de ces conseils ouvriers dont M. X a parlé. À ce propos, Miklós Molnár, auteur d'une histoire de la Hongrie, publiée par Attier, écrit ceci, je le cite. L'un des caractères originaux du changement est la formation spontanée d'organes d'autogouvernement. Appelés comités nationaux, conseils révolutionnaires ou conseils ouvriers, ils assurent tantôt les tâches administratives, surtout dans les localités, tantôt la direction de l'institution ou de l'entreprise. Il serait toutefois faux de considérer ces derniers comme des organes d'autogestion ouvrière et partant les événements de Budapest comme une révolution des conseils. Plusieurs ouvrages présentent une telle interprétation romantique révolutionnaire de gauche, démentie pourtant par la multiplicité des formes d'organisation et des programmes. Le mouvement des conseils ouvriers imprime donc sans aucun doute un caractère spécifique aux événements, celui d'une révolution spontanée, pluraliste, multiforme, sans direction centrale ni tendance dominante, si ce n'est la volonté commune d'indépendance nationale et de liberté civile. Le dénominateur commun, à part le sentiment national, est l'élan vers une société civile multiple et policée. Personne, certes, n'a même entendu parler de société civile, mais du village perdu à la grande usine, en passant par les associations d'écrivains, d'artistes ou de croyants, chacun a saisi une parcelle du pouvoir appartenant aux citoyens. Je reviens sur ce que vous avez dit. À Moscou, on savait que les Américains n'interviendraient pas. C'est parfaitement exact. Je vais y revenir. Mais ça ne veut pas dire que la Maison-Blanche ne s'intéresse pas à la Hongrie. Bien au contraire. Les spécialistes de la CIA suivent depuis longtemps et très attentivement la situation dans les pays de l'Europe de l'Est. Mais quel objectif alors ? Exploiter les faiblesses de ces pays pour éventuellement les déstabiliser. C'est la guerre froide, ne l'oubliez pas. Et je vous ai déjà parlé des parachutages de tracts, par exemple. Par conséquent, les Américains, grâce à leurs agents infiltrés au-delà du rideau de fer, observent les progrès de la dissidence. Et ils se posent la question, est-ce que cette contestation peut déboucher sur une vraie résistance ? Une résistance qui pourrait être appuyée par une action directe des États-Unis. Et la réponse ? Elle est négative. Pour des raisons à la fois politiques et géographiques, la Pologne, la Tchécoslovaquie et même la Roumanie apparaissent, pour reprendre le jargon des hommes du renseignement, comme des terrains plus prometteurs. Et pourtant, c'est en Hongrie que la contestation ira le plus loin, enfin, jusqu'à l'insurrection. Vous avez entièrement raison, mais le président américain, Ike Eisenhower, craint qu'une intervention, quelle qu'elle soit, ne débouche sur une guerre totale avec l'URSS. Et paradoxalement, c'est avec une grande inquiétude qu'il va observer les premiers soubresauts en Hongrie. Pourquoi ? Parce qu'il a peur que les Américains ne soient accusés d'entretenir la contestation ? Oui, et lorsque la situation empire à la fin du mois d'octobre 1956, il va même prendre une décision étonnante. Son ambassadeur à Moscou, Charles Bolhen, est chargé d'informer les maîtres du Kremlin que les États-Unis n'en profiteraient pas pour essayer de détacher la Hongrie du bloc militaire du pacte de Varsovie. Ça a au moins le mérite d'être clair. Eisenhower ne veut pas remettre en cause le partage de l'Europe tel qu'il a été décidé à Yalta. En effet. Mais ce n'est pas si simple que cela. Parce qu'il existe des gens aux États-Unis qui ont choisi d'exploiter la crise hongroise. Et des gens qui Essentiellement à la CIA. Mais la CIA, en principe, est contrôlée par la Maison-Blanche. En principe, oui. Mais enfin, parfois, on peut fermer les yeux, non ? Enfin, mon bras droit ne sait pas ce que fait mon bras gauche, c'est très pratique. Oui, d'accord. Mais comment exploiter la crise hongroise, là ? Grâce essentiellement à la radio. Cette radio Free Europe, dont je vous ai déjà parlé, je vous ai dit qu'il existait dans cette radio deux lignes. Une ligne purement journalistique et une autre qui en tenait pour la propagande et même la désinformation. Eh bien, c'est cette dernière qui l'emporte. Donc la ligne la plus dure ? Oui, il faut en outre préciser qu'à Radio Free Europe, les informations sont assurées par des émigrés. Oui, alors ce sont des journalistes plutôt anticommunistes. Hein. Très anticommunistes. Et certains d'entre eux ont été les élateurs du régime fasciste du dictateur Horthy. Oui, mais ils sont sous le contrôle de la CIA. Hein. Radio Free Europe, La CIA qui finance cette radio. Alors, de quoi s'agit-il ? Radio Free Europe, dans ses émissions en langue magyare, a d'abord participé à créer ce climat d'euphorie que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire en exaltant le patriotisme des Hongrois Certainement, et donc en les encourageant à se lever contre le régime communiste et à le combattre. Mais ce n'est pas tout. Radio Free Europe pousse les Hongrois à se montrer toujours plus intransigeants. Alors qu'on aurait pu penser que les journalistes de ces stations auraient applaudi aux initiatives d'Imre Nagy. C'est exactement le contraire qui se produit. C'est-à-dire ? Nagy est accusé de ne prendre que des demi-mesures. Oh, juste trop mou, quoi. Oui, et en tant que dirigeant communiste, même s'il a pris ses distances avec l'URSS, il ne peut pas représenter le peuple hongrois. C'est très grave, parce que je vous l'ai expliqué, Nagy, après quelques atermoiements, s'est rangé clairement du côté des insurgés et a pris à son compte la plupart de leurs revendications. Donc la propagande de Radio Free Europe ne peut que l'affaiblir, ou pire, même le mettre en difficulté. C'est évident. Mais il y a plus grave. Lorsque les milliers de chars soviétiques déferlent sur la Hongrie, Radio Free Europe appelle à la résistance. Ça ne me paraît pas déraisonnable, non ? Attendez, j'ai pas fini. Les journalistes de la station américaine laissent entendre clairement que les insurgés vont recevoir de l'aide. Une aide militaire ? Oui, en gros, on dit aux Hongrois, résistez, battez-vous, tenez quelques jours et bientôt les Occidentaux vont intervenir. Ce qui est parfaitement faux d'après ce que vous m'avez dit. Hein. Et la CIA est bien placée pour le savoir. Les États-Unis n'ont nullement l'intention de venir au secours des Hongrois. Sinon, en émettant des protestations auprès des instances internationales. Quant aux autres pays occidentaux qui auraient pu agir, essentiellement les Français et les Britanniques, ils ont déjà fort à faire avec leur aventure égyptienne pour penser à envoyer des troupes en Hongrie. Mais même sans l'expédition égyptienne, l'aurait-il pu ? Je ne le pense pas. Il pensait sans doute, comme Eisenhower, que la Hongrie était aussi inaccessible que le Tibet. Ah, mais est-ce que Eisenhower a vraiment dit ça? Oui, devant les dirigeants de la CIA. J'ajoute que même si le gouvernement français avait été en mesure d'intervenir militairement, il ne l'aurait pas fait. Pourquoi? Parce que le gouvernement socialiste de M. Guy Mollet estimait qu'en encourageant l'insurrection hongroise et donc en provoquant une rupture avec Moscou, on aurait renforcé en URSS le courant stalinien. Un peu hypocrite. Je vous laisse le juge. Bon, d'accord. Alors, revenons à ce que vous disiez, là. En faisant croire aux révoltés hongrois l'arrivée prochaine d'une aide matérielle, militaire même, Radio Free Europe les a non seulement trompés, mais les a envoyés à la mort. Ou les a obligés à choisir le chemin de l'exil, ce que feront plus de 200 000 Hongrois. Oh, c'est assez criminel, quand même. Je suis assez d'accord avec vous, mais c'est la vérité. Il faut d'ailleurs observer que, très curieusement, la plupart des archives de Radio Free Europe ont été détruites. Parce que l'épisode n'était pas très glorieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, maintenant, comment décryptez-vous tout ça? Ça me paraît très clair. Il fallait démolir l'image bonhomme et libérale de Khrouchtchev. Il fallait faire la démonstration que le champion de la déstalinisation n'était qu'un dictateur et un boucher. Plusieurs milliers de Hongrois l'ont payé de leur vie. Telle est la sinistre vérité. Mais du strict point de vue de l'efficacité, les Américains ont gagné. Non seulement Khrouchtchev a été discrédité, mais l'écrasement de la révolution de Budapest a créé un véritable schisme chez les communistes. Et c'est vrai qu'en 1956, beaucoup de communistes vont rendre leur carte du parti. Oui, et chez nous, beaucoup d'intellectuels étaient membres du parti, ou à tout le moins compagnons de route, ce sera désastreux. Mais il faut dire aussi que la position du Parti communiste français a été sans nuance. Les insurgés hongrois ne pouvaient être que des fascistes. Oui, je me souviens. Avant de nous quitter, un mot quand même sur ce qui s'est passé après l'entrée des chars dans Budapest et le reste du pays. L'armée rouge intervient avec 200 000 hommes et plus de 4 000 chars. C'est énorme. Ouais. Et les insurgés, même épaulés par l'armée hongroise, ne peuvent pas résister longtemps. En 8 jours, c'est réglé. Il y a 2 000 ou 3 000 morts et les quelques foyers insurrectionnels qui subsisteront seront rapidement écrasés. Et Nodge. Lorsque les soviétiques se rendent maîtres de Budapest, ils se réfugient avec quelques compagnons à l'ambassade yougoslave, ce qui embarrasse Tito. Pourquoi? Quelle raison, là? Il vient à peine de se réconcilier avec le Kremlin. Et il n'a pas très envie de subir à nouveau les foudres des dirigeants moscovites. Et heureusement pour lui, Kadar, le nouveau maître de la Hongrie, déclare publiquement que, malgré ses crimes, aucun procès ne sera intenté à Nodge. Confiant, ce dernier et ses compagnons quittent donc l'ambassade de Yougoslavie. Mais ils sont à peine sortis qu'ils sont arrêtés par le KGB. Ouais, une sorte de piège, quoi. Mmh. Que leur advient-il? Ils sont immédiatement emmenés en Roumanie, où ils sont emprisonnés, sous bonne garde. Là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ils doivent être interrogés, peut-être même torturés. En tout cas, en 1958, ils sont reconduits en Hongrie et jugés. Nodge et quatre de ses amis, reconnus coupables, sont condamnés à mort et bientôt exécutés. Au fond, comme sous Staline. Oui, oui. Enfin, il faut ajouter que la répression ne se limitera pas à l'exécution de Nodge. Des intellectuels, des savants seront jugés, des dizaines seront exécutés et des milliers condamnés à de longues peines de prison. Et il faudra attendre 1963 pour qu'ils soient enfin amnistiés. Mais le plus étrange, c'est que János Kádár sera le dirigeant communiste d'Europe de l'Est qui conduira aussi son pays dans la voie du modernisme et d'une relative libéralisation. Radio Free Europe a-t-elle joué le rôle néfaste que lui prête M. X? Voici l'avis d'un des meilleurs connaisseurs, François Feiteux. Tous les journalistes et observateurs étrangers ayant eu des contacts avec les insurgés étaient frappés par les espoirs que ces derniers avait placé dans une aide morale, sinon matérielle, de l'Occident. Un grand nombre de réfugiés déclareront plus tard que les émissions de Radio Free Europe, à partir de Munich, avaient fait naître de fortes illusions à cet égard. Il est certain que les émissions de cette radio étaient très suivies en Hongrie et exerçaient une certaine influence sur les esprits qui considéraient ce poste comme l'interprète autorisé de l'opinion américaine. Or, les émissions en hongrois étaient à cette époque dirigées par des émigrés de droite, qui ne comprenaient pas grand-chose à la situation réelle de la Hongrie et firent preuve d'une irresponsabilité criminelle. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission.